La tisseuse céleste par Judith Gautier. Le pauvre homme, tout empourpré par les reflets du soleil couchant, fit un effort pour atteindre le haut de la côte, puis se laissa tomber, harassé, sur une grosse pierre, où s'étaient reposés avant lui bien des voyageurs là. Haletant, il fermait les yeux tout d'abord, mais les rouvrit bientôt, sollicité par l'éblouissante beauté du ciel. « La richesse du pauvre, murmura-t-il, c'est la splendeur de la terre qui se donne à lui, sans compter. » Et il contempla, au lointain de la vallée, l'irradiation triomphale des derniers rayons de l'astre, cachés déjà derrière les cimes. Ses yeux tristes buvaient le spectacle en suivant les phases rapides, malgré le voile de sommeil qui les troublait. Des brumes bleues emplirent les profondeurs, les montagnes affirmèrent leurs découpures sombres sur le ciel encore lumineux, mais qui s'éteignait graduellement. L'homme alors dénoua un petit paquet, y prit une boulette de riz, enveloppée dans une feuille de latanier, et mangea lentement. De l'eau courait à quelques pas, redescendant entre les pierres la pente qu'il venait de gravir. Il but, puis lava la poussière de ses pieds nus. Il se rassit ensuite, pour attendre le lever de la lune, car il n'était pas au bout de sa course. Il lutta contre le sommeil en livrant son front à une brise fraîche qui passait, et la montée douloureuse de ses pensées l'éveilla tout à fait. Il s'appuyait des deux mains un aiguillon de bouvier, seul objet qu'il conserva de sa vie passée, seul souvenir des jours moins cruels. Pourquoi n'était-il plus le temps où, par les rizières inondées, il guidait tout le jour ses lentes et pacifiques bêtes, et, le labeur terminé, rentrait dans la fraîche chaumière, près de sa tendre mère et de son père vénéré? Qu'avait-il fait pour que le ciel le frappât de tant de coups? Les années de disette, la mère bien-aimée, si longtemps malade, épuisant toutes les ressources, le troupeau vendu pour payer les frais de l'horrible séparation. Maintenant, son père aussi était mort, tué par le chagrin, et comme le fils ne possédait plus rien, il s'était vendu lui-même pour honorer le père par des funérailles convenables. Le bouvier dépossédé, qui n'aimait plus à lui-même son corps, se rendait à présent chez le maître inconnu qu'il devait servir comme esclave. La lune jaune et toute ronde s'était soulevée au-dessus de l'horizon. Maintenant elle bleuissait et se mirait dans l'abondante rosée. Debout, le bouvier jeta un long regard sur le grand espace libre et les profondes vallées, perdues dans des brumes de rêve, avant de s'enfoncer sous l'ombre bruissante d'un bois de bambou qu'il devait traverser. Il s'y engagea en soupirant. Il se sentait là comme enfermé, moins libre, déjà esclave. Il marcha, marcha, d'un pas rythmé qui devint machinal. Il allait, lourd du poids de son chagrin et de son dénuement. Il lui semblait que cette forêt n'avait pas de fin, qu'il y marcherait toujours. La pénombre était criblée d'étincelles bleues que la lune, haut dans le ciel, jetait entre les feuilles minées. Tout à coup, il crut voir, en avant de lui, une forme humaine, immobile au bord du sentier. Il eut peur d'abord et s'arrêta. Puis il reconnut que c'était une femme et pensa qu'elle faisait la même route que lui, en sens inverse. Il se remit en marche, mais quand il passa devant l'inconnu, elle fit un pas en avant, et la lumière tombant sur elle, la montra extraordinairement belle. Il s'arrêta encore, tout émerveillé. « Tu es le génie de cette forêt ? » s'écria-t-il. « Oh non, » dit-elle d'une voix douce, « je suis une femme très humble et malheureuse, abandonnée et sans ressources. Toi, malheureuse ? Alors le soleil est un pauvre ?» Elle s'était reculée dans l'ombre, comme pour y cacher son trop grand éclat. « Sois-moi secourable, » dit-elle, « prends-moi pour épouse. » Il eut un sursaut puis un rire douloureux. « Pourquoi cette dérision ? » s'écria-t-il. « Je ne t'ai rien fait. Je parle en toute loyauté. Prends-moi pour femme, protège-moi. Je n'ai rien à moi, pas même moi-même, et je conduis vers mon maître l'esclave que je suis. Ton maître ne sera-t-il pas heureux d'avoir deux esclaves pour le prix d'un seul ? Je saurai me rendre utile et t'adoucir peut-être la servitude. » Alors, en sanglotant, il se jeta aux pieds de l'inconnu et cria au ciel sa gratitude pour ce bienfait sans pareil qui effaçait toutes ses souffrances. Pendant des mois, ils vécurent chez le riche seigneur qui les avait accueillis tous les deux. Le bouvier soignait les troupeaux, mais il agissait comme en rêve, engourdi d'un bonheur auquel il ne pouvait croire et sur lequel il ne cessait de méditer. Quand il rentrait dans sa cabane, située au bord d'une prairie, il oubliait de manger, Assis devant la table, il contemplait son épouse avec une surprise toujours nouvelle et une indicible émotion. « Comment la femme que tu es a-t-elle pu voir l'homme que je suis ? » murmurait-il. « Au travers ton corps gracieux, j'ai vu ton âme, » disait-elle. Dans le logis, elle avait installé un grand métier à tisser et travaillait sans relâche. Mais son œuvre était soigneusement cachée sous un voile gris qu'elle abaissait dès qu'elle n'était plus seule. Il n'osait pas demander à voir ce que c'était, car il éprouvait auprès d'elle autant de crainte que d'ivresse, et il ne l'aurait jamais effleuré du bout du doigt s'il n'était venu au devant de son baiser. « Comme tu es belle, comme tu es belle !» disait-il, la joue dans la main, les regards extasiés. « Et tu n'es belle que pour moi, ô miraculeuse. Si quelque autre survient, tu sembles t'embrumer de nuages et nul ne voit ta beauté. Le maître aurait pu me convoiter, me prendre à toi. Nous sommes des esclaves. Toi, esclave? Non, plutôt la souveraine du monde. Si tu te montrais telle que tu es pour moi, tous seraient esclaves. » Elle dit en riant, « Ne laisse pas refroidir ton riz. » Ce jour-là, des bruits de pas, au dehors, se firent entendre, écrasant l'épais gravier. Une voix sonna, haute, dominatrice, qui gronde et qui commande. « C'est le maître qui fait une tournée d'inspection, » chuchota la femme. « Va au-devant de lui, prie-le d'entrer ici un instant. » Malgré l'audace de cette requête, le bouvier n'hésite pas. Il se précipite dehors et se prosterne aux pieds du magnifique seigneur, son maître, qui est là, tout proche. Le bouvier parle sans trembler. « Dans ta cahute, pourquoi faire ?» dit le maître. « Qu'est-ce que tu me veux ?» Mais il a fait quelques pas. Il est en face de la porte grande ouverte et s'arrête, tout surpris. Ce qu'il voit à l'intérieur de l'immeuble logis l'intéresse, car il y entre avec empressement. La tisseuse a enlevé la toile grise qui cachait son mystérieux ouvrage, et il se laisse voir maintenant tout entier. C'est une pièce d'étoffe, tellement magnifique qu'il n'en eut jamais eu de pareille. Harmonieuse, souple, profonde, comme empourprée du sang des fleurs, avec des pétillements de feu sous les nuées, des ruissellements d'ondes fuyantes. Le maître est affolé d'admiration. Il palpe l'étoffe, la retourne, la caresse, la plisse et la déplisse. « Veux-tu me la vendre ? Combien ? Je l'aime. Une fortune ne la paierait pas. Combien en veux-tu ? 10 barres d'or et notre liberté, » répond la tisseuse. « Vous êtes libre ! » s'écria le maître avec joie. « Mon intendant va vous compter les barres d'or. » Et lui-même, avec hâte et précaution, détache l'étoffe du métier, la roule et l'emporte. « Libres, ils sont libres !» Le bouvier pleure au pied de sa femme, mais ce n'est pas de bonheur. Une inquiétude affreuse lui tenaille le cœur. L'œuvre est achevée, il est régénéré, sauvé, mais c'est par un miracle, et le miracle va cesser. Elle le regarde avec amour, mais aussi avec une majesté suprême qui l'a fait déjà lointaine. « J'ai enfin pour toi des lois éternelles, » dit-elle. « Je suis venue d'ailleurs, tu l'as bien compris. Sache-le, je suis la tisseuse céleste. Voici, j'ai tissé pour toi et il me faut partir pour reprendre ma place parmi les constellations. Ne sanglote pas ainsi. Vis du souvenir de ton bonheur. Demeure fidèle à la vertu. Demeure fidèle à l'épouse qui emporte son amour au ciel. Un jour alors, nous nous retrouverons. » Il s'accroche à des voiles inconsistants. Il s'aveugle à regarder celle qui le quitte, tant elle devient lumineuse. Lentement, elle monte, monte, pour aller reprendre sa place dans la maison des vers à soie. L'étoile Véga de la lyre. Tandis qu'il sent son cœur se briser, ses yeux se dissoudre, et perd enfin la connaissance. Il vécut de lourdes années et de belles nuits de rêve, les regards au ciel. Fidèle à l'amour, fidèle à la vertu, secourable à tous, il atteignit le terme de l'épreuve, il mourut. Alors, comme une nuée, les bénédictions, la gratitude, la vénération de ceux qui l'avaient consolé l'emportèrent hors du monde, et il prit place parmi les constellations. La bien-aimée, maintenant, brillait toute proche, de l'autre côté d'un abîme. Mais hélas, comment la rejoindre? Les étoiles demandèrent pour ses amants une grâce, et il lui fut accordé qu'une fois l'an, des milliers de corneilles s'assembleraient, et de leurs ailes étendues, formerait un pont léger par lequel le bouvier passerait pour rendre visite à la tisseuse. Ainsi s'achève La tisseuse céleste par Judith Gautier.